Bah ouais, c'est pour mes soldats du bitume. Tu prends la A6 ou tu bifurques vers la nationale 7, tu connais frère. Hein? Ouais ouais. Hein? Illégal concept pour ceux qui savent. Ok. Mai 2007. 1-1-1-1. Ok. 1-9-2-7-5-1. Pas la foi, hey. Passe à la douane, crois-moi. Après la mort, y'a pas d'échappatoire à croire. Quand on se la croit, ton âme sera saine et sauve. La brûlure fait plus mal que scarcer les os. Les os, comme le cœur sensible, c'est ainsi. La vie nous montre que trop d'MC sont en manque de soins intensifs. Bah ouais. Tous sont en mal de la rue. La signature, c'est FK plus de classe. Le MC qui t'a pris. J'en donne à qui en veut. Les jaloux qui m'envient, mais qui m'en veut. Tu prends la haine comme si j'avais baisé ta mère. Qui m'en veut. Je suis un bourronné, la rue va me couronner. Si t'as une touche normale, que mon peur à la faire ronronner. Des mazema, vie pour un script, pas le cinéma. De mon avenir, le Zétan veut dessiner le schéma. Ma E dans les oreilles ou dans eux, c'est ce que j'ai mis. J'suis plutôt requin et mon passé chose, il est atteint. Yo, yo, yo, au micro s'installe, c'est le guano sur la sono à l'instant. Instable et insolent à ce stade, grâce au style, basta, on tire nos bastos. Gros, oh, bifomètre, on pose les rimes, on kiffe mettre les délires. Dès le début, je mets le débit, oui, mec, le rap, le taf, même le week-end. Je mets le joker pour éviter. Je t'aime, la bonne est bonne, elle a un gros cul. Rien que je me tape des Q8, 91 degrés QI. De la rage, j'en ai trop plein. Je m'en bats les reins de ton tremplin. Moi, je suis galérien à temps plein. C'est pour les petits roughs et les petites rosses. Je suis vénère comme Pete Rock. Ici, les petites rosses, et te lâche les pitrottes. Qui sert, je tise l'avocat comme en Sibérie. J'encre mes rimes, je suis pas l'Afrique comme Ribéry. Suscitaire d'une mort certaine, procède au choix des armes. La vie de la rue, c'est ça, des larmes de joie ou des drames. Une ruelle, mille chemins, mille façons de s'en sortir. Situation précaire, je subis le sort ou je m'en tire. J'ai jamais connu le ballon, mais j'ai souvent frappé dedans. En pleine lucarne dans les cages, mais dans les leurs, jamais dedans. Pourtant, j'ai des potes béton, incarcéré pour longtemps. Le fucking ghetto nous brouille les pistes et nous dalle. Dès le début, j'déboule dans le mille, lâche à nos buts. Qui pulvérise les buts, et les rappeurs qui puent, mais qui peut contrer ma lyricale bastos. Qui se cale dans l'os et te calme gratos. Le cassos prend place, si tu lâches, te remplace. Prends l'air, sous la mer, moi m'amène la bonne cam. J'enflamme l'instructiteur à n'importe quelle heure. Nervi, NHL m'en perturbe pas. J'ai vu ce qui se passe, et je trace vers un bitume, petite basse. Plus de place, petite tasse pour les putes qu'on pute classe. Imbécile et l'MC qui jouera le Batman. C'est Bagdad quand je patate devant le titre qui est Balkan. Lourd et ma tête reprend son poids. La taille est là, son bois, et la bête reprend son poil. C'est là que j'écris des phases par milliers. Je peux les lier au large que j'écrase pour une millier. Pourquoi je te parle, pourquoi je te parle? J'ai dépensé autant de soucis derrière, sûrement toi aussi. Mais à quoi bon parler tout ça que quand t'en parles tout s'enfuit. Tout me nuit dans ma tête, au long temps qu'elle ennuie. Même en vrai, même en rêve, tout ce qui se passe bah, me crève. Dans mes veines c'est la nuit, dans mon cœur c'est ma vie. Elle a in, elle a tu auras compris. Parce que mon rap c'est ce qui cloche dans ce pays. Sale chien, voilà c'est dit, voilà c'est dit. Je suis très loin d'un Lamborghini, moitié l'argot. Peut-être parce que je parle moitié français, moitié l'argot. Même si largué par la thune, alors c'est le chaos. Je fais la course à l'armement pour rien, juste KO. Enfin gagné, un peu tout le monde comme soldier. Le sang chaud, les gènes acharnés depuis tout mon maille. J'ai la dalle et l'impression d'être attaqué comme un impact à Bagdad. Sans tac, tu mets le palier. J'ai les cru, assidu, affûté, toujours à l'affût. Toujours au pied, prêt à couper les têtes. On traîne dans l'escalier, le pit, je viens le saigner. Tester, tu peux essayer. T'étonnes pas si après ça c'est ton sang, ou vient ici. Mais dans au mic, je viens tout rafler mes rimes pour te gifler, te froisser, t'égorger. Laisse ton corps sur le plancher, tu suis pas, t'es trop fâché, je suis trop fâché. Ton rap, je viens le hacher. FK plus de classe, Sultan, Wano, qui sert, OG Simpson, NEH, Woody, Laine, DIN, mais dans au mic, fixer.